from love. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son d'un fleur. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. On démarre la semaine ensemble sur Fun Radio, welcome. Fun Radio. 6h, passé 2 minutes, soyez les bienvenus. On démarre la journée ensemble en ce lundi 1er août 2016. On fait un tour de l'actu, mais sur ce, avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le ministre de la Justice, Koen Gins, est contre le Patriot Act proposé par Bart De Wever. Le président du CDNV a souligné que la peur était mauvaise pour les dirigeants. Gins veut néanmoins faire bouger les choses, mais d'une autre manière. Il plaiderait davantage pour la poursuite du renforcement de la législation déjà en place. Pour Gins, la réponse à la peur passe par des actes concrets et non de simples phrases. Le prêtre Jos van der Lee a été agressé au couteau hier dans la journée à Lanaken, en province de Labourg. Il a été blessé aux mains et emmené à l'hôpital. L'agresseur, quant à lui, a pris la fuite après s'être présenté en tant que demandeur d'asile aux Pays-Bas. L'homme a demandé de l'aide au pasteur et a pris une douche chez l'homme de foi avant de réclamer de l'argent et de le poignarder. Il est toujours dans la nature à l'heure actuelle. À l'étranger, un attentat a eu lieu durant la nuit à Kaboul. C'est un camion piégé qui est la cause d'une puissante explosion. L'attentat vise un hôtel sécurisé pour étrangers. Aucune victime ne sont à déplorer pour le moment. L'attentat a déjà été revendiqué par les talibans qui ont précisé avoir fait sauter un camion bondé d'explosifs à l'entrée de l'hôtel Northgate. Plus d'un demi-million de personnes ont déferlé hier dans les rues de Vancouver pour la marche des fiertés. Cette marche où beaucoup de drapeaux arc-en-ciel étaient déployés dans les rues met à l'honneur les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Le premier ministre canadien qui est à l'initiative de cette marche était quant à lui présent en famille. En sport, la Pro League a repris ses droits chez nous ce week-end avec deux surprises dès cette première journée. Le Standard a partagé l'enjeu face à Westerlo 2-2. La Gantoise a fait de même en ramenant un petit point de Courtrai un partout. Pour ce qui est des autres rencontres, pas de surprise, le club de Bruges s'est imposé 0-2 face à Malines. Anderlecht s'est lui aussi imposé face à Moucron sur le score de 1-2. Quant à Eupen, il a raté son retour en division en étant battu par Zulte 3-0. Au classement général, Zulte, Bruges et Anderlecht sont sans surprise en tête. Eupen est quant à lui bon dernier, le Standard est 7e, la Gantoise 9e. Pour terminer, plus léger avec le phénomène Pokémon Go qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Dernièrement, Anthony a démissionné d'un fast-food de Nîmes pour réaliser son rêve, chasser des Pokémon. C'est en effet pour chasser Pikachu échoué ses copains que l'homme a démissionné. Mais son rêve réel est de capturer Kangourex et de s'envoler pour l'Australie. Une démission plutôt bien prise par l'entreprise qui n'a pas été étonnée de son départ. Fun. Fun Radio. Ah sûrement Florence, toi tu vas pas démissionner pour aller chasser les Pokémon. Non, ça ne m'intéresse pas trop les Pokémon. Ah ça va, on va en parler justement de cette feuille des Pokémon Go aujourd'hui. Juste avant, on fait un point sur la météo. Quel temps nous prévois-tu pour ce début de semaine? Un ciel quelque peu partagé entre nuages et éclaircies, mais des maxima encore fort agréables entre 17 et 22 degrés. Le son Dance Floor, ça continue sur Fun Radio avec, ben je ne sais pas quel artiste, mais c'est il arrive Drake tout de qui suite. Arrive, évidemment. Drake et One Dance sur Fun. Merci Florence. Fun Radio. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Sur 7 sur Fun Radio, merci de vous réveiller avec nous. Axwell et Sébastien Grosso, c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour nous de se souhaiter la bienvenue. Salut Coralie, comment Salut, ça va bien? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien. Qu'est-ce que t'as fait de beau de ton week-end? De mon week-end, pas grand-chose, figure-toi. En fait, je suis surtout restée à la maison et j'ai beaucoup dormi. Ah, bah écoute, bah, ça fait du bien parce que bon, avec nos horaires un peu difficiles, c'est vrai qu'on doit se reposer oui. Tout le temps. On peut saluer Florence aux infos et Étienne à la réalisation. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes à la maison, que le week-end s'est bien passé. Nous, en tout cas, vous nous avez beaucoup manqué, mais voilà, voilà. Hop, c'est bon, on rempile pour une nouvelle semaine et surtout un nouveau mois de Summer Fun, vu qu'on est à la moitié et on va continuer d'être avec vous jusqu'à la fin. Ou en tout cas avec beaucoup de plaisir. Coralie, comme chaque jour, évidemment, la chose la plus importante le matin en se réveillant. Et pour avoir l'air intelligent à la machine à café, c'est... les éphémérides. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Lundi 1er jour, 1er août, pardon, premier jour de la semaine, mais aussi, surtout, premier jour du mois d'août. Oulala, il est 6h08, j'arrive même plus à lire. Oui, premier jour du mois d'août, 214e jour de l'année. Nous, on commence le 8e mois et on entre dans la 31e semaine déjà. Nous souhaitons des bonnes fêtes aujourd'hui. Oui, à Alphonse, Arcadius et Eléazar. Eléazar, bonne fête à vous les amis, au niveau des anniversaires de stars, car eux aussi sont nés ce 1er août. Ah oui, Yves Saint-Laurent. Ah, Yves Saint-Laurent, évidemment. Mouloud Achour, qui a joué dans Le Choc des Titans, La Crème de la Crème, c'est un animateur télé français en fait. D'accord, bon anniversaire Marc à lui. Et Marc Lesguy, qui est aussi un animateur de télé français. Évidemment, mais bon anniversaire à eux également. Et puis si vous avez votre anniversaire aujourd'hui et que vous avez envie de le fêter ici à l'antenne, c'est très simple, vous en faites, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044 et je vous rappellerai juste après en fait. Et puis aujourd'hui c'est aussi la journée mondiale, Coraline. Oui, et surtout la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est chaque année la semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est l'occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des femmes dans le monde entier de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. L'allaitement c'est le fait qu'on a... De donner le sein aux enfants, c'est voilà. Ça. Mais un peu plus léger, c'est aussi la journée mondiale de la frite belge. Et oui, une journée spéciale pour les Belges parce que beaucoup se demandaient pourquoi cette journée mondiale, internationale, pardon. Et bien il semblerait bien que l'histoire, ça commence par une réponse, par une injustice ressentie par tous les Belges qui sont en visite à l'étranger. Donc pour commander des frites, ils sont en train de demander à chaque fois des French potatoes. Et c'est l'imitation pour les Belges, quoi, qui c'est l'inventeur de la frite et on peut pas laisser passer ça. Pardon. Je suis en train de m'étrangler pendant qu'on fait ça. Merci beaucoup Coralie, en tout cas on va revoir tout ça pour tout à l'heure. Dans un instant, c'est le show qui arrive sur Fun. Merci de vous réveiller avec nous, il est 6h10. On va parler de plein de choses exceptionnelles aujourd'hui, des cadeaux pour vous également. Ça arrive juste après Sébastien Ingrosso et Axwell sur Fun. But I just can't concentrate, 'cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe. Spent it on a car with a cool stereo, and I'm sitting in traffic wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. A kid again, total utter bliss. Total utter bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. A kid again, total utter bliss. Radio. body, she was checking it for me. From the game, she was spitting in my ear. You think that she knew me? Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. In the street, but a freak in a bed that say, comment ça va bien les amis, 6h17, vous êtes sur Fun Radio, je m'appelle Anto, Coralie est également là et puis on va vous réveiller jusqu'à 9h dans Summer Fun avec dans quelques secondes le duo de l'Euro 2016, David Guetta, Zara Larsson, This One's For You. Et c'est ce que je vous cale côté son dance floor juste avant Coralie. On a plein de cadeaux à offrir à nos auditeurs cette semaine, notamment des places pour Walibi. On vous offre deux fois de place pour aller à Walibi avec vos amis ou votre famille pour tester la nouvelle attraction, le Pulsar, qui est sorti cette année. Ah, oui, donc c'est un voyage de 70 secondes, 3 allers-retours à une vitesse qui est un petit peu crescendo, avec 3 sensations uniques, c'est glisser, voler et chuter. Alors, en fait, ça donne envie, en même temps tu dis bon, peut-être que je vais réfléchir. Non, ça donne vraiment très envie, en plus pour l'été c'est parfait parce qu'on est évidemment mouillé, c'est un peu plus mouillé que dans une rivière sauvage en tout cas. Quoi, à la fin tu passes dans l'eau? Ouais, même pas, ouais, à la fin t'es trempé. Ah bah écoute, ça c'est encore mieux. J'ai vu des vidéos où t'as l'air assez mouillé en fait, vraiment, parce que l'arrivée sur l'eau est assez forte, en fait tu chutes vraiment sur l'eau. Ah ouais, complet. Donc c'est assez génial. Incroyable. Et jamais vous voulez donc repartir avec vos entrées pour Walibi pour venir tester cette nouvelle attraction, vous pouvez envoyer dès maintenant Pulsar par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Vous pourrez avoir aussi plus d'informations sur funradio.be. Et bah d'ailleurs, on va vous poster maintenant une petite vidéo sur la page Facebook de l'émission pour voir à quoi ça ressemble, parce que oui, à Walibi il y a plein de choses à faire au-delà de Pulsar, et puis et bah surtout parce que Pulsar c'est la nouvelle attraction à tester cette année. C'est ce qu'on vous offre du moins durant toute cette semaine. Bonne chance les amis, 6h18, on se réveille ensemble. Dans quelques instants, c'est la Danoise Mo qui arrive juste avant David Guetta et Zara Larsson. Welcome, bienvenue. Let's close our eyes. C'était l'hymne officiel de l'Euro 2016 qu'on s'écoutait à l'instant sur Fun. 6h20, le réveil va arrêter marre crescendo comme ça, avec dans quelques secondes la danoise Mo, j'adore ce titre. Fan Life Song, c'est ce que je vous balance dans un instant sur Fun Radio. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Juste avant, Coralie, tu as secoué les boules pour nous, tu as consulté les astres. Il fallait que je la fasse. Tu as consulté les astres en ce lundi matin. On commence avec les béliers. Vous vous sentez pousser des ailes, vous devenez entreprenant et dynamique. Les taureaux. L'amour vous tourne le dos, pas de panique, comme le dit Ripiri, la roue tourne va tourner. Ah, ça c'est sûr, les gémeaux. Vous avez un peu la tête en l'air, attention à ne pas oublier un rendez-vous ou un anniversaire important. Les cancers. Vous êtes dans un mode, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On enchaîne sur les lions. Vous aurez besoin de vous distinguer. Les vierges. Vous aurez raison, suivez vos intuitions. Les balances à présent. Un début de semaine plein d'actions et de réactions. Les scorpions. Personne ne pourra vous raisonner, à vous de faire attention où vous mettez les pieds. Les sagittaires. Vous avez de l'énergie, mais utilisez-la à bon escient. On enchaîne sur les capricornes. Vous aurez le mot qu'il faut pour apaiser les esprits. Les verseaux. Vous ne vous montrez pas trop gourmand. Jamais les verseaux et les poissons. Attention à votre petit cœur, il risque d'avoir des ups et des downs en ce début de semaine. Des ups et des downs, ça veut dire quoi? Bah des hauts et des bas. Des hauts et des bas pour ces poissons, attention à vous. Merci de vous réveiller sur Fun Radio Coralie d'ailleurs. Et si on a des auditeurs qui se reconnaissent dans cet horoscope, bah c'est très simple, on peut réagir par SMS. Oui, au 3044, c'est 50 centimes. Par message ou encore sur la page Facebook Summer Fun. On attend toutes vos réactions car aujourd'hui on va parler des hontes également. Je vous explique ce truc de waouh qui m'est arrivé ce week-end dans quelques secondes. Juste avant, c'est Mo sur Fun Radio. Welcome. When you wait, when you stay, I lose down to the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Les amis, il m'est arrivé un truc de fou ce week-end. C'était la plus grosse honte de ma vie. Franchement, j'en reviens toujours pas maintenant. Je vous raconte tout ça dans quelques minutes. Juste avant, c'est Willy William et Paris qui arrivent sur Fun. Eh, c'est bon ça. Et je vous le cache juste après ceci. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. When you say you love me, tell me don't leave it, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Now I got that feeling you without me won't break my heart, nah, nah, nah, nah, nah. Cause the sunlight's in my eyes when you're out of sight. You could have seen me shine, I'll tell you one more time, oh. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. We'll be right back. pa pa pam ra pa pa pam pam. La journée démarre sur Fun Radio, bienvenue, vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h. Juste avant ça, 6h31, on fait un tour de l'actu en ce lundi 1er août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un incendie s'est déclaré samedi soir à l'Académie des Beaux-Arts de Zaventem. L'incendie, qui est d'origine criminelle, a engendré des dégâts matériels sans faire de blessés. Le feu a été bouté à un fauteuil avant de s'être propagé au reste du bâtiment. Il a rapidement été maîtrisé par les services d'incendie. Les commerçants d'Inantais souffrent toujours à cause du chantier de la Croisette. Malgré l'arrêt des travaux jusqu'au 15 août, le tourisme souffre toujours des plaies béantes. C'est le tourisme d'Inantais qui est touché par ces travaux avec une perte comprise entre 30 et 50%. Les commerçants espèrent un temps plus clément afin de sauver certaines entreprises. À l'étranger, la Turquie souhaite que l'Union européenne applique la libéralisation des visas pour le mois d'octobre. Le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé que si les 28 ne tenaient pas leurs engagements à ce sujet, l'accord noué avec Bruxelles sur la gestion des flux de migrants serait suspendu par Ankara. La Commission européenne n'entend pas se laisser influencer par le gouvernement islamo-conservateur. Les Jeux Olympiques commencent ce vendredi et à cette occasion, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes du Brésil. Ils réclament le départ définitif de la présidente Dilma Rousseff. Les Brésiliens ont défilé en nombre dans les rues en affichant plusieurs pancartes, dont une significative sur laquelle on pouvait lire « Dilma dehors » et « La prison pour Lula ». En sport, c'est le Britannique Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix d'Allemagne. Il a devancé l'Australien Daniel Ricciardo. Et le belgo néerlandais Max Verstappen. Au classement général, il conforte sa première place grâce à sa victoire et à la quatrième place de son équipier Nico Rosberg. Max Verstappen est toujours sixième. Plus léger pour terminer avec la découverte du sandwich le plus cher du monde. Le Quintessential Grilled Cheese, c'est son nom, vient de faire son entrée dans le Guinness World Records. Le sandwich issu des États-Unis est vendu au prix de 214 $. Ce qui équivaut tout de même à 192 € pour un simple croque-monsieur. Est-ce que tu penses que pour un croque-monsieur, 192 € c'est plutôt raisonnable? Non, en tous les cas, moi je ne les mettrai pas. J'espère en tout cas qu'à ce prix-là, il est bon. Je l'espère aussi, oui. Fun. Fun Radio. Dans un instant, côté son dance floor, c'est Martin Solveig et The Chainsmokers et Daya qui arrivent avec leur titre légendaire que j'adore, Don't Let Me Down. C'est ce que je vous réserve dans un instant. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce début de semaine? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, mais des maxima encore agréables, compris entre 17 et 22 degrés. Le son dance floor continue avec Mom sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. Since I've had this good cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. What is it you want to love? What is it? said you won't do love. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. Left to do but to feel it all. You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Arrivé un truc de fou ce week-end, Coralie, je vais vous en parler dans quelques instants. Juste avant, c'est le duo de Chainsmokers et Daya que je vous réserve avec Don't Let Me Down. Ça s'est déjà arrivé comme ça, Coralie, des situations où tu ne peux pas t'en défaire du tout, la pire honte de ta vie? Oui, évidemment. Alors, un exemple comme ça. En classe, quand j'avais 7 ans, mon professeur m'a attaché sur ma chaise. C'est pas vrai. Il t'a attaché sur ta chaise. Elle m'a attaché sur ma chaise. Ouais. Avec une écharpe, elle m'a attaché. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais très énervée de ne plus pouvoir me lever en fait. Pourquoi elle a fait ça? C'était après-midi bricolage et ouais. J'avais la jambe dans le plâtre et j'arrêtais pas de me lever pour aller chercher les petits papiers, etc. Et elle était pas du tout d'accord avec ça. Donc, du coup, elle m'a attaché sur ma chaise et pour que j'arrête et que je reste à ma place et qu'on m'apporte toutes mes affaires, sauf que j'étais pas d'accord. Alors qu'en plus, tu étais handicapée ce jour-là. C'est quand même pas top. Hein. On va faire un bisou à ta prof si elle nous écoute ce matin. Ce week-end, par contre, samedi, j'ai eu la pire honte de ma vie, mais j'en reviens toujours pas. Tu vois le truc quand tu te dis, bon, allez, j'appelle mon ex. Enfin, c'est une bête idée déjà de base. Ouais, déjà. Et puis quand tu appelles ton ex, et puis que tu tombes sur son nouveau copain. Ah. Et c'est lui qui décroche le téléphone. Et tu dis, ah, ça va. Tu commences à parler normal avant de te rendre compte que c'est pas la bonne personne. Mais voilà, je me suis senti le mec le plus seul au monde. J'étais méga gêné, je savais plus où mettre. Parce que bon, apparemment, voilà, il a reconstruit sa vie, tout se passe bien, c'est génial. Et puis toi, t'es là, tu téléphones et tu tombes sur l'autre. C'est un peu. D'accord. Je sais pas. Voilà, c'est gênant. C'était mon plus gros truc du week-end. J'ai pas su endormir d'ailleurs. Et je me suis dit, allez, lundi, j'en parle. Et on en parle dans l'émission en tout cas. 6h39, on se réveille ensemble. The Chainsmokers, Daya, c'est ce que je vous réserve. Bienvenue, welcome, vous êtes sur Fun les amis. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you right now. Yeah, I need you. need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Solveig sur c'est bon ça pour démarrer la journée. Merci d'être sur Fun. 6h45, Enrique Iglesias, Duele el Corazon, c'est ce que je vous cache dans un instant. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant ça, Florence, que se passe-t-il sur nos routes à Bruxelles et en Wallonie à 6h46 ce matin? Un seul point noir sur les routes ce matin du côté de Turnhout. La chaussée est fermée suite à un accident. La circulation se fait essentiellement sur la bande d'arrêt d'urgence sur la E34 en direction des Pays-Bas. Aucun autre point noir à signaler à cette heure-ci de la journée. Eh bien, en tout cas, soyez prudents sur les routes. Vous apercevez un accident, vous êtes témoin d'un ralentissement. Faites-le nous savoir dès maintenant par SMS au 3044. C'est ça aussi la fun solidarité, c'est qu'on puisse, ben, Coralie ce matin, prévenir la fun famille de ce qui se passe sur les routes en Belgique. Dans quelques instants, on va continuer à parler des plus belles hontes qu'on a eues ce week-end. Car ouais, franchement, j'ai eu un truc de fou samedi et je vous raconte ça jusqu'à 9h. On va également parler de la bière aujourd'hui car c'est devenu un nouveau moyen de paiement pour certains emplois. Ce sera le club buzz du jour. Tout ça en plus, c'est juste après ça. Proximus présente. Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh, bah, facile, basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça? Football, balle de foot dans les boules, classique. Oh, t'es fort, hein? Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hey Phil, ça roule? Dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif avec Oksoon, DJ Party Fun. Party Fun Live. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be. Une organisation du comité du 15 août et TNT Music. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver.

7h57 sur Fun Radio. J'ai du lourd pour vous dans la suite. C'est le tout nouveau Sound of Legend qui arrive avec Komodo. J'adore ce titre. Et je vous le balance dans quelques secondes. Le temps pour nous, Coralie, de rappeler qu'on a des places pour Walibi toute la semaine à vous offrir. Oui, on vous envoie à Walibi toute cette semaine. Vous pouvez repartir avec vos deux entrées pour Walibi. Pour aller profiter du parc d'attractions et de toutes les attractions qu'elle propose, dont le Dalton Terror, le Loup-Garou, le Vampire. Ah, j'adore ou encore le Cobra. Ah, ouais, moi aussi. Où tu montes complètement à combien de mètres? Je sais plus te dire exactement. Ce sera pour le prochain speak. Voilà. À très, très, très, très haut. Et puis quand t'es au-dessus, tu profites de la vue, tu te dis, ah, on est bien là tout d'un coup. Ben non, quand tu dis tout d'un coup, hop, ça lâche et tu tombes dans le vide et complètement. Ouais, tu fais une bonne chute, une belle chute. La toute première fois que j'ai fait ça, j'ai perdu mes chaussures, carrément. Ah bon ? Elles se sont enlevées tellement j'ai été choqué, j'ai eu peur, tellement elles tenaient pas, je sais pas. Je sais plus très bien ce qu'il y a eu, je sais juste que mes chaussures se sont envolées et sont retombées en bas de l'attraction. Alors j'étais petit, je pleurais évidemment. Donc j'étais, voilà, c'était une horreur. Mais franchement, sensation forte, c'est génial et c'est à tester au moins une fois dans sa vie. Oui, et pour repartir avec vos deux entrées, il vous suffit d'envoyer Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et vous retrouverez toutes les informations sur funradio.be. Et on appelle là en l'une d'entre vous à 8h15 et 9h15 parce qu'on a deux fois deux places à vous offrir. Juste avant 6h58, bon réveil. Dans quelques instants, c'est la grosse bombe de Sound of Legend que je vous balance maintenant. C'est un de mes coups de cœur, ça sent bon l'été et franchement, ça vaut le coup d'écouter. Montez le son, vous êtes sur Fun Radio. Voici Komodo. Qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble sur Fun, soyez les bienvenus. Fun Radio. Fun. 7h01 sur Fun Radio, on fait le tour de l'actu avec Florence. J'allais taper Françoise encore, oui. Décidément. Avec Florence Vanloo, salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La Loterie Nationale est toujours à la recherche du gagnant du tirage loto du 22 mars c'est dernier. C'est pas moi en tout cas, ça je c'est vous pas le toi. Dire. C'est Coralie c'est pas peut-être. C'est toi. Et bien alors dépêche-toi parce que le regagnant qui a quand même remporté à lui seul la coquette somme de plus de 6 millions d'euros ne s'est toujours pas présenté. Oui c'est moi les amis, vous pouvez faire un virement ici. Attention, il te reste alors 13 jusqu'au 13 août pour aller te faire connaître et décrocher ton pactole. En 2008, un gars d'1 million d'euros n'avait pas été retiré à la loterie nationale et qui attend l'heureux élu. Seulement 81 drones ont été enregistrés en Belgique selon le ministère de la ministre de la Mobilité François Bello. La réglementation permet depuis le mois d'avril l'utilisation récréative de ces engins. En ce qui concerne les autorisations de vol, seuls 27 ont été délivrées pour la plupart à des instructeurs et examinateurs. Une seule a été délivrée à un pilote sur notre territoire. Ce nombre très bas laisse penser qu'un nombre important de drones volent sans être enregistrés. À l'étranger, 5 touristes en provenance de Belgique, d'Italie et du Pérou ont perdu la vie dans un accident de la route en Bolivie. C'est notre pays qui a été le plus endeuillé avec le décès de 3 de nos concitoyens dans le désert du sel, dans le Salar d'Oigny. 3 autres personnes ont été blessées à des degrés divers selon le chef de police Rodolfo Salazar. 118 migrants ont été secourus par les gardes-côtes espagnols hier. Les migrants qui venaient du Maghreb et d'Afrique subsaharienne ont été secourus en Méditerranée. 5 embarcations ont été secourues. 2 d'entre elles avaient à son bord des Algériens, alors qu'une autre transportait des personnes originaires d'Afrique subsaharienne. En sport, dans la dernière spéciale du Power Stage qui se déroulait en Finlande, c'est notre compatriote Thierry Neuville qui s'est montré le plus fort. Il a devancé son équipier Padom. Le rallye de Finlande a lui été remporté par le Britannique Meek. Il a devancé le Finlandais Latvala et l'Irlandais Breen. Le Belge Thierry Neuville termine à une belle 4e place au classement du championnat du monde. Le Belge grimpe de la 7e à la 5e place. Et pour terminer, une info un peu plus légère, être policier en Chine ou ailleurs n'est pas tous les jours facile, et ce l'est encore moins lorsque la météo décide de s'en mêler. Xiao Lixin, un policier qui se trouvait au beau milieu d'un carrefour, n'a pas été épargné par les fortes pluies, mais il a malgré tout pu compter sur le dévouement d'une passante qu'il a abritée sous son parapluie. Les réseaux sociaux du pays sont à la recherche de cette bonne âme afin que le policier puisse la remercier. Dans quelques instants, côté sur Dancefloor, c'est Tiesto et John Legend qui arrivent. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce début de semaine? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, des maxima encore agréables, compris entre 17 et 22 degrés. Le son Dancefloor continue avec Major Lazer sur Fun Radio. Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun, c'est du son dance floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. Got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' day. Baby, ooh, drop it to the ground like yes, bitch. Bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. To the club, I'm smashing. We'll come home to the past. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Ow. Rider, put a cock up. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. 2 of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gallus, I'm in Santa forever. Yo, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, que vous soyez pour le moment, vous êtes sur Fun Radio 7h08, merci de vous réveiller avec nous. Le duo Tiësto John Legend, Summer Nights, c'est ce qui arrive dans quelques instants. Et le meilleur de son dance floor, évidemment, c'est ce qu'on vous balance tous les matins entre 6h et 9h. Juste avant, Coralie, bienvenue à tous, soyez sur Fun Radio, bah oui. C'est le plaisir de vous accueillir comme ça tous les matins. On commence avec l'éphéméride du jour. Oui, nous sommes le lundi 1er août, donc on est le 214e jour de l'année et on entre dans la 31e semaine. De bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, au Alphonse, Arcadius et Eléazar. Bonne fête à vous les amis. Au niveau des anniversaires de stars. De l'anniversaire de Yves Saint Laurent, de Mouloud Achour qui a joué dans Le Choc des Titans et La Crème de la Crème notamment. Ou encore de Mac Lesguy, c'est un animateur de télé française. Mac Lesguy, effectivement, un petit intello comme ça qu'on adore. Et puis aussi, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Oui, c'est surtout la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Ah oui, donc important, évidemment. Évidemment d'allaiter ses enfants avec le sein. C'est le petit message à toutes les mamans qui nous écoutent ce matin. Juste avant 7h08, Coralie, c'est l'heure pour nous de s'écouter un extrait de Fabien Feuillet. On peut rappeler rapidement à nos auditeurs qui est ce monsieur. Eh ben, il appelle des inconnus au hasard par rapport à leur nom de famille. Il essaye de les faire s'énerver au téléphone. Et franchement, il cartonne ce gars, je l'adore. On va s'écouter tout à l'heure au niveau de 7h40 son canular du jour. Aujourd'hui, il appelle des personnes pour essayer de jouer au karaoké. Fabien Feuillet. Le Pins, bonjour. Bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feuillet, je suis bien au karaoké. Oui, karaoké. Ah super, donc je peux chanter. Vous pouvez venir chanter, bien sûr, oui. Ah, donc c'est parti, envoie la musique là. Tekarakata, tekarakata. Monsieur, oh, oui. Oh, balle. Allô. Oh, balle, allô, allô. Oh, oui, oh, oui. Monsieur, ça sert à rien de chanter dans le téléphone en fait. Fabien Feuillet. Ça c'est bien un truc qu'on fera aussi le matin, faire un petit karaoké. En plus on a le don du chant, encore Ali, autant en faire profiter des gens, écoute. On adore. Dans quelques instants c'est Maître Games qui arrive, qui sera en concert avec Fun Radio. Je vous explique tout ça d'ici quelques petites minutes. Juste avant c'est Tiësto et John Legend. Bienvenue sur Fun, 7h09, voici Summer Nights. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. Fun Radio. Lipa. On se déplace pour le garçon de Rifa. Appelle-moi ou ton j'ai pour barrer foi. J'entends mes singles repris par les oreilles froides. Pour des photos, les youvois insistent. Sur le chemin, nombreux se désistent. Tout ce que je touche vient de leur bande habita. Me demande pas pourquoi je suis un modèle pour mes sisters. What I know, what I know. Hey, en quarantaine, un peu comme chez les parcs. Et les autres imbéciles n'ont qu'à faire gaffe. Hache ma gomme, sa clope et son féca. Hey. Qui sera en concert bientôt, Coralie, au mois de décembre, je pense. Oui, exactement, le 10 décembre à Forêt Nationale. Eh bien, écoute, on retrouve dès maintenant toutes les infos et toutes les dates de concert Fun Radio sur funradio.be. Dans quelques instants, on vous parle d'une offre d'emploi plutôt originale, Coralie. Oui, et une offre d'emploi qui va plaire à tous les Belges, car on va parler de bière et en plus, c'est assez intéressant. Eh bien, ce sera à découvrir dans le Clubbuzz d'ici quelques petites minutes. Juste avant, c'est Kungs et Tease Girl que je joue à 7h17. Bon réveil, vous êtes sur Fun Radio. You got to know. Soyez en voiture, direction le boulot, direction les vacances, encore dans votre lit en train d'ouvrir tout doucement les yeux. Il est 7h20, vous êtes sur Fun Radio et j'ai pour vous Maten et Café Del Mar dans quelques secondes. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et juste avant, c'est l'heure du Club Buzz sur Fun Radio avec aujourd'hui Coralie. Un buzz web qui va plaire évidemment à tous les Belges parce que c'est un nouveau mode de paiement plutôt original. Oui, nouveau mode de paiement qui vous propose de boire de la bière à l'œil et de voyager à travers toute l'Amérique en fait. Pas mal. Voilà, en fait, l'offre d'emploi, c'est une offre très sérieuse qui est lancée par le musée Smithsonian à Washington. Je sais pas si je le prononce très bien. Mais c'est un musée d'histoire, non? Musée d'histoire américain. Ouais, ouais, voilà. Et il cherche en fait un spécialiste de la bière basé dans la capitale américaine. Alors, son but à lui, ce sera évidemment de voyager à travers toute l'Amérique, de goûter plusieurs bières différentes et de retracer donc toute l'histoire de la bière. Et c'est très bien payé, étant donné que vous pourrez boire de la bière à l'œil, voyager gratuitement. Et en plus de ça, le salaire s'élève à presque 65 000 dollars par an. Donc, ça va, c'est intéressant. Ouais, pour boire de la bière et voyager en plus. Donc, deux passions. Certains peuvent être passionnés de bière et de voyage. Hop, tu mixes les deux ensemble. Et en plus, tu es payé. Exactement. Malheureusement, voilà, comme ils l'ont dit, c'est un poste très sérieux. Et il requiert quand même quelques qualités. Donc, il recherche un candidat qui est assez qualifié parce qu'il doit disposer d'un diplôme de commerce et d'histoire. Bah, justement, Florence, toi, tu aimes bien le voyage et la bière? Oui, j'aime bien les deux, c'est vrai. Donc ça pourrait te tenter pour 64 000 dollars par mois. Figure-toi que quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, pourquoi pas postuler ?» Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que, écoute, on dit quand même de faire attention à la consommation d'alcool. Évidemment. Et je me suis dit, c'est pas très raisonnable. Évidemment, il faut boire l'alcool avec modération. Oui, et postuler d'ailleurs est devenu très compliqué car il y a eu tellement de demandes que la section emploi du site a planté en fait, totalement. Donc elle a été rendue inaccessible, donc il n'y avait plus moyen de postuler pour cette offre tellement ça a eu du succès. Et bien en tout cas, c'était l'info qui a buzzé sur les réseaux sociaux ce week-end. On va la publier dès maintenant sur notre page Facebook Summer Fun sur laquelle vous allez pouvoir aller dès maintenant parce qu'à 9h, je vais tirer au sort l'un en l'une d'entre vous pour repartir avec un Monopoly Monde. Voilà, c'est un cadeau que j'avais à la maison et j'ai envie de vous le partager. C'est pas mal. Ce week-end sur les réseaux sociaux, donc vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun, vous partagez le statut, vous likez la page et puis je tire l'un en l'une d'entre vous au sort aux alentours de 9h15. Bonne chance, dans quelques instants, c'est DJ Snake qui arrive avec Talk. Juste avant, c'est Maten et Café Del Mar. A tout de suite. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. This is Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Love me like no one else get you higher. No one else get you higher. matin, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Much more to lose. Dans quelques secondes, qu'est-ce que je vous raconte? Bah ouais, je vous raconte ma plus grosse honte. Ça m'est arrivé ce week-end et franchement, il fallait que ça m'arrive. Et je vous raconte ça juste après les infos. Et 7h32 sur Fun Radio, bon réveil, on s'informe comme toutes les demi-heures avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Quelques nouvelles entrent en vigueur dès ce 1er août. Elles concernent principalement les pensions minimum qui verront le salaire des indépendants et des salariés s'égaliser du côté de la santé. Cela concerne les enfants, les patchs étant destinés aux jeunes diabétiques seront également remboursés. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des parents et pour les 3100 jeunes touchés par le diabète de type 1 dans notre pays. À l'étranger, 3 assaillants ont été tués dans l'attentat qui a eu lieu cette nuit à Kaboul. Un camion a explosé devant un hôtel accueillant des civils et militaires étrangers. Un policier a également perdu la vie alors que 3 autres ont été blessés. Le premier bilan faisait état d'aucune victime, aucun civil n'a été tué. L'attaque a été revendiquée par les talibans. La Corée du Sud est soupçonnée d'avoir piraté des adresses mail de responsables sud-coréens. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ce serait la dernière d'une série de cyberattaques attribuée à Pyongyang. 56 personnes, dont des responsables au ministère des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Unification, ont fait les frais de ce piratage. En sport, victoire belge aux 24 heures de Spa-Francorchamps avec la belle performance de la BMW pilotée par le pilote belge Maxime Martin, le britannique Alexander Smith et l'autrichien Philippe Heng. Ils devancent la Mercedes. Lorenz Van Thorn termine à la 3e place, alors que la Bentley avec ses 2 pilotes belges Maxime Soulet et Wolfgang Reip termine 4e après une dégringolade sous la pluie. Et puis une petite information plus légère pour terminer. La vidéo d'une petite fille de 3 ans a fait rire les réseaux sociaux autant que les invités et les mariés, mais moins que ses parents. Lors du mariage de son oncle, la petite fille désignée demoiselle d'honneur a choisi le moment des vœux pour l'éternité pour courir comme une furie derrière les mariés et donc devant les invités. La mère de la gamine et sœur du marié a également fait le buzz en courant derrière sa fille. Un moment que les mariés ne risquent pas d'oublier et des vœux qui ont pris du temps avant d'être échangés à cause du fou rire de la mariée. Fun Radio. Dans quelques secondes, c'est du 100% belge que je vous cale avec le nouveau Alec Jeremy, c'est Sweet Afterglow. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce début de journée? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, mais des maxima encore fort agréables, compris entre 17 et 22 degrés. Donc ça va, une belle journée. Voilà, c'est ça, oui. Merci Florence. Le son Dance Floor continue avec Face et Afrojack sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you won't? You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey, I said, say, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey, I say. Son sur Fun Radio. Arrive enfin sur la Belgique, 7h40, bon réveil, c'est du 100% belge que je vous cale dans un instant avec le nouveau Alec Jarmis, Sweet Afterglow, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Le temps pour nous d'accueillir Fabien Feyesh, Coralie, on adore Fabien Feyesh évidemment, le principe kiffe. Très simple, il décroche son téléphone, il appelle des inconnus dans le bottin et aujourd'hui il avait envie de se faire un petit kiff parce que nous Coralie on a le don du chant, on adore chanter, bon malheureusement pour vous les matins, et puis bah ici lui avait envie de faire la même chose, il a envie de s'amuser et de chanter, il appelle aujourd'hui des karaokés. Fabien Feyesh. Le Pins, bonjour. Bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feyesh, je suis bien au karaoké. Oui, karaoké. Ah super, donc je peux chanter. Vous pouvez venir chanter, bien sûr, oui. Ah, donc c'est parti. Envoie la musique. Dakarakataon, dakarakataon. Oh oui, oh oui. Dakarakataon, dakarakataon. Monsieur, oh oui, vous oh pouvez... Oh, balle. Allô. Oh, balle, allô, allô. Oui, oui, oui. Monsieur, ça sert à rien de chanter dans le téléphone, en fait. Faut venir sur place. Ah non, parce que vous voyez que c'est un karaoké. Ah oui, vous faites le karaoké, mais c'est dans le bar qu'il faut venir chanter, monsieur. Ah, bon, bah si je peux chanter, j'y retourne. Attention, musique. Toi, plus moi, plus toi, plus non, tout ce qui veut. Oui. Monsieur, je vais pas rester vous écouter chanter. Ah. On a du travail, je vous laisse. Si vous voulez, venez au bar, y a aucun souci. Bah, allô. Le Pins, bonjour. Coucou là, c'est encore Feuillèche, le chanteur non, là. Je suis toujours au karaoké. Ben oui, toujours, oui, oui. Donc je peux chanter. Vous pouvez venir chanter sur place, monsieur. Ah, super. Moi, on va s'aimer. Oh là là. Sur l'étoile ou sur un oreiller. Vous me cassez les oreilles, pour arrêter direct. Mais, non mais, juste je finis la chanson. Non, y a pas moyen, non, vraiment. Bah. Le Pins, bonjour. Coucou. Le relou de l'année. Bougez pas, je démarre au piano. C'est pas marqué dans les livres. Complètement malade. Le plus important à vivre. Oh là là. C'est de vivre au jour le jour. Monsieur, je vous laisse, je raccroche. Le temps, c'est de l'amour. Bah, allô. Le Pins, bonjour. Ah non, c'est pas vrai. Il est ouf. Attention. Il m'entraîne. Où ça? Où ça? À l'asile. Qui t'amène à l'asile? Ben, à l'asile. C'est pas ça les paroles. Fabien Feillèche. Fabien Feillèche. Juste, je finis la chanson. Non. Y a pas moyen, non. Vraiment. Bah. Ah bah écoute, c'est trop drôle. C'est Fabien Feuillet, j'étais encore scotché par ça. Merci d'être sur Fun Radio dans quelques instants. Pourquoi t'as un fou rire, Coralie? Je sais pas, c'est juste que c'est le truc qui fait Fabien Feuillet, je m'en fous. Non, on peut le dire, c'est pas grave. J'avais pas mon casque et je me suis pas rendu compte qu'on était revenu à l'antenne. Et évidemment, personne ne me l'a dit. Voilà, ça arrive, c'est les aléas. Merci d'être avec nous. 7h43 avec Jeremy, Sweet Afterglow, c'est ce que je vous cale maintenant. Welcome. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Et 7h47 sur Fun, merci de vous réveiller avec nous. Dans quelques petites secondes, c'est Boosty et Feel Alone qui arrivent sur Fun Radio. Le temps pour nous, Coralie, d'appeler l'une d'entre vous qui fête son anniversaire aujourd'hui. Qui allons-nous avoir au bout du fil? On va appeler Fanny. Fanny, qui habite où, Fanny? De côté de Rebecca. Du côté de Rebecca. Du côté de Rebecca, effectivement. Mais quelle idée j'ai! Mais alors là. Oh, désolé. Non, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. C'est pas grave, on va recomposer simplement. Le temps, mais que le standard rappelle tout ça. Et de vous conseiller également une chronique qui passe pour l'instant sur la une en télé. C'est Tom Sabès, le talentueux Tom Sabès, qui nous parle d'application transformiste. Je vous conseille d'aller voir en nous écoutant, ça peut être plutôt sympa. Le principe très simple, bien vous prenez un selfie de vous et puis bien, vous modifiez votre visage avec une jolie tête de demoiselle ou encore avec des trucs plutôt sympas. C'est à tester, on va le tester dans l'émission, allez jusqu'à la fin de l'émission. Le temps également de vous dire qu'on va aujourd'hui parler des pires hontes qu'on a eues une fois dans notre vie, parce que j'ai eu vraiment la pire honte de ma vie ce week-end. C'est vraiment, je sais pas, le truc absolument incroyable qui m'est arrivé samedi. J'étais liquéfié derrière ma caisse. Je vous raconterai tout ça évidemment dans quelques instants. Et puis vous aussi, si vous avez des petites anecdotes comme ça à raconter, n'hésitez pas à nous le dire par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Le temps d'appeler Fanny, donc oui. Qui fête son anniversaire aujourd'hui. Quel âge a la Fanny aujourd'hui? Bienvenue sur Voicemail. Et bon, c'est un petit message à Fanny parce qu'elle a été voir Beyoncé hier. C'est la messagerie vocale de Fanny Cornelius. Et bien fatiguée. Salut Fanny Cornelius. Veuillez laisser un message après le signal sonore. N'hésitez pas à l'ajouter sur Facebook. Merci jamais pour lui souhaiter un bon anniversaire. Salut ma Fanny, comment ça va? J'espère que tu vas très bien, que t'as kiffé le concert de Beyoncé hier. En tout cas, c'est un ami Patrick qui voulait te souhaiter un bon anniversaire ce matin, qui nous a envoyé un petit SMS au 3044. Et Coralie, ce matin, comme chaque jour, on te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pour l'année entière. Sur l'air de Patrick Sébastien, évidemment. Fanny, je te fais des gros bisous, passe une excellente journée, puis à très bientôt sur Fun Radio. Vous avez vous aussi envie, les amis, de souhaiter votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche? Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party all night all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning. Set sail on an ocean wave. 'Cause our love is like a heat wave. Love is like a heat wave. Stronger, it won't stop you.

panne de réseau, naissance d'un espoir. On est dépossédés. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Rappelle rapidement qu'on a des places à vous offrir. On appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques secondes. Oui, il vous reste que quelques minutes pour envoyer Pulsar par SMS 6322 pour aller dans le plus grand parc de Belgique et profiter de toute une journée sur les attractions fortes qu'elle nous propose. Et c'est évidemment au parc Walibi qu'on vous envoie. Juste avant, c'est Dimitri Vegas et Like Mike qui arrivent sur Fun. Il est 8h. Fun Radio. Debout tout le monde, il est 8h sur Fun Radio. On s'informe en ce lundi 1er août avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anton, bonjour à toutes et à tous. Les bonus salariaux collectifs versés aux employés ont passé la barre des 619 millions d'euros contre 526 millions d'euros en 2014. Entre 95 000 et 275 000 travailleurs ont touché par trimestre un bonus en 2015. 7 700 entreprises belges ont eu recours à ce type de prime au cours de l'année dernière. Ces bonus sont octroyés lorsque les objectifs sont précis et mesurables sans la garantie de sa réalisation auparavant. À l'étranger, dimanche soir, l'opposant congolais Moïse Katumbi Chepwe a dénoncé l'interdiction qui lui a été faite. Celle-ci concerne sa participation à la manifestation organisée à Kinshasa par un rassemblement de l'opposition. Une manifestation mise en place pour exiger le départ du président Joseph Kabila en décembre à la fin de son mandat. Le pape François s'est exprimé une dernière fois dans le cadre des Journées mondiales de la Jeunesse qui se sont déroulées à Cracovie en Pologne tout au long de ce week-end. Le pape a refusé de faire l'amalgame entre islam et violence. Il a expliqué que les catholiques pouvaient être aussi violents. Il en a profité pour prévenir l'Europe qu'elle était en train de pousser certains jeunes vers le terrorisme. En sport, le Belge Kevin Strijbroes a remporté le Grand Prix de Belgique de motocross de Lommel ce week-end. Il a devancé l'Allemand Max Nagel et l'Italien Antonio Cairoli. Clément de Sales termine quant à lui à la 8e place. Les autres Belges sont au-delà de la 10e place. Au classement général, le Slovène Jasper est toujours en tête. Le premier Belge est Clément de Sales, 8e, alors que Strijbroes rentre dans le top 10 à 4 épreuves de la fin du championnat du monde. Et puis pour terminer, une information quelque peu insolite avec la brasserie de la mort subite qui n'est pas parvenue à battre le record du monde des tournées générales ce samedi. L'objectif était de rassembler plus de 1200 personnes pour boire tous ensemble une petite bière et battre par la même occasion le record de Londres. Défi raté puisqu'il n'était hélas que 1142 selon le huissier présent sur place. C'est parce que tu n'as pas été, Florence. C'est peut-être ça, ouais, parce mais que vendredi, 1142, j'aurais pas su remonter. Vendredi, on a dit qu'on allait y aller justement avec Jean-François, parce que lui qui est aussi un grand buveur, on aurait dû y aller tous ensemble, on aurait pu battre le record du monde. Mais oui, tout à fait. Allez, on fait ça pour l'année prochaine. Fun. Fun Radio. Dans quelques instants, c'est Calvin Harris et Rihanna. On sera plaisir avec Dua Lipa également. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour les prochaines heures, Florence? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, mais des maxima encore très agréables, compris entre 17 et 22 degrés. Donc ça va, on peut imaginer un barbecue à midi. Pourquoi pas? Allez, on fait ça. Merci, Florence. Le son Dance Floor continue avec Dimitri Vegas et Like Mike dans Summer Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. We'll be right back. 8h08 sur Fun Radio, Dua Lipa, j'adore ce titre, ça sent bon l'été, c'est ce que je vous balance dans un instant. Juste avant, on fait un point sur l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et Coralie, lundi 1er août, premier jour de la semaine et surtout premier jour du mois d'août. Oui, et 214e jour de l'année, nous entrons dans la 31e semaine. On a des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Alphonse, à Arcadius et à Eléazar. Bonne fête à vous les amis. Et puis les stars sont nées aussi ce 1er août. Oui, c'est l'anniversaire de Yves Saint-Laurent. Ah, Yves. Tout le monde le connaît, hein. Évidemment. De Moumou Dachour, qui a joué dans Le Choc des Titans et La Crème de la Crème. Ouais. Et de Marc Lesguy, c'est un animateur sur, de télévision française. Effectivement, qui est un peu l'intello de service en France du côté d'M6. Oh, sinon, c'est la journée mondiale du jour de l'allaitement. Oui, surtout la semaine mondiale de l'allaitement. Ah, encore mieux. Donc le principe, c'est donc... Bah, c'est de préserver l'allaitement maternel qui est très important pour les mamans. Et donc de donner à manger, de nourrir son enfant avec voilà. Le sein, évidemment. Merci beaucoup Coralie, le temps pour nous également. Et bien de vous dire qu'on a du cadeau pour vous en plus de Walibi, puisqu'on vous offre des places pour la descente de la Leste. Pour ça c'est très très simple, vous devez reconnaître l'artiste qui se cache derrière cet extrait, écoutez. Facile, c'est mes coups de cœur, sont mes artistes préférés. Le principe très simple, vous reconnaissez l'artiste, vous reconnaissez le titre, vous l'envoyez par SMS au 3044 pour 1€ le message, pour 50 centimes le message, pardon, et ça va très très vite parce qu'on tire au sort dans moins de 10 minutes l'un ou l'une d'entre vous. Réécoutez un peu l'extrait, vous reconnaissez. Ouais, c'est facile quand même, Coralie. Ouais, ouais, super. Bon, ça a été facile. Modifié un petit peu, c'est vrai, mais. Vous reconnaissez l'artiste ou le titre de qui se cache juste derrière, ben vous l'envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044, on appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques secondes. Et puis Coralie, on va lire toutes vos réactions sur la page Facebook également de Summer Fun, puisqu'aujourd'hui on parle des pires ondes. J'ai eu le pire truc qui peut arriver ce week-end en faisant les courses. C'était voilà un moment de gêne et de... Voilà, je me sens très seul, je vous raconte tout ça dans quelques instants. Juste avant, côté son dance floor, et bien c'est Dua Lipa qui arrive sur Fun. C'est un de mes coups de cœur, ça sent bon l'été, c'est ce qui arrive à 8h08. Bienvenue. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. There's a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. Make me feel right there. est motivé, on est ensemble. 8h13, merci de vous réveiller avec nous. Dans quelques secondes, c'est le duo qui déchire depuis quelques semaines. Calvin Harris, Rihanna, This Is Where To Came For. C'est ce qui arrive côté son dance floor sur Fun Radio. Hey. Le temps pour nous d'appeler le gagnant qui repart avec ses deux premières places pour le parc Walibi. Il s'appelle Fabio, il habite Bruxelles et il va arriver dans quelques secondes. On va l'appeler en direct, on va lui faire la surprise donc. Mais c'est pas grave, vous pouvez encore vous inscrire pour tout à l'heure. Coralie, comment ça se passe pour jouer avec nous? Il vous suffit d'envoyer un jeu par SMS au 3044. Au 6322, donc pour repartir avec vous. Oh, personne. Ah. En fait, Florence est en train de rire et elle distrait tout le monde, c'est dingue. Vous envoyez donc Pulsar par SMS au 6322 pour tenter d'avoir vos places pour le parc Walibi. On se sent un peu seul. Un petit peu. En ce moment, 8h13 en tout cas. Attention. Bienvenue sur Voicemail. Ah, on va devoir resélectionner quelqu'un d'autre, c'est le principe. On va appeler quelqu'un qui a envoyé également Pulsar par SMS au 6322, le temps que le standard compose tout ça, le temps d'accueillir Gilles qui est également avec nous. On va lui allumer son micro. Gilles, comment ça va? Gilles qui est avec nous, Étienne mon chéri, on va allumer son micro. Comment ça va Gilles? Ça va très bien, merci. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans ce Fun Sport? Alors aujourd'hui je vais vous proposer 4 exercices pour avoir le même corps que Beyoncé. Ah, Beyoncé qui était en concert hier d'ailleurs, c'était exceptionnel, on a pu voir que ça sur les réseaux sociaux. Et donc tu nous proposes quelques petits exercices, on va en parler tout à l'heure, le temps de rappeler un nouveau gagnant qui s'appelle... Parce qu'il n'a pas mis son prénom dans son message. C'est vrai. On appelle ça un speak solitude. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est un peu perdu dans le truc. On est en train de ramer, comme fait notre ami Gilles. Allez, c'est pas grave, on rappelle en direct, 8h14, pour repartir quand même avec des places pour Walibi. C'est quand même pas rien, les amis. Alors restez bien derrière votre téléphone si vous appelez. Et surtout si vous envoyez un message, mais il faut que vous soyez au taquet pour décrocher. Ah oui, c'est le principe, sûr. Évidemment. Parce que si vous ne décrochez pas, on doit remettre les places en jeu. C'est obligatoire, c'est et comme c'est ça. Et c'est perdu pour vous, malheureusement. Attention. Bonjour. Hey, vous êtes en contact avec aujourd'hui la boîte à messages. C'est pas grave, on va rappeler quelqu'un en antenne pour 7, ce speak maintenant. 5. On peut couper le téléphone également, pas donner le numéro des gens à l'antenne. Le temps pour nous également de vous dire qu'on va parler des hontes dans quelques instants parce que les hontes, c'est un truc qui m'est arrivé ce week-end aussi. Et puis on va écouter du bon son dance floor aussi dans quelques secondes avec mon artiste préféré Bob Sinclair. Someone who needs me, c'est ce qui arrive. C'est pas grave, on va être dans le patin jusqu'au bout. Neo Closer, c'est ce qui arrive dans quelques instants également. Le temps de vous dire qu'on va appeler le gagnant dans quelques instants hors antenne pour vous offrir la place, mais pas de panique, on vous en offre également aux alentours de 9h15. Là, il est 8h15, une heure avant. Merci d'être là. Voici Calvin Harris et Rihanna sans fun. Welcome. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Oh, babe. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Instant, on fera un tour du côté du fun sport, plein de bons réflexes et bien pour rester en forme durant l'été. Juste avant, côté sur Dance Floor, c'est Bob Sinclair et Someone Who Needs Me qui arrivent sur Fun. Et puis Marie qui est avec nous, qui a 22 ans, qui habite Namur. Salut Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Mais écoute, très très bien. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour ce premier jour de la semaine? Oh ben je m'occupe de ma filleule aujourd'hui. Ah ben écoute, c'est un beau programme. En tout cas tu as joué avec nous ce matin parce que tu as, je pense, j'espère pour toi, reconnu l'extrait qu'on a diffusé pour le Battlephone. On va le réécouter. Ouais. Yeah, c'est bon. Alors Marie, selon toi, qui est derrière ce titre? C'est Major Lazer. C'est les Major Lazer avec Boom, bonne réponse. Exactement. Et donc Marie, comme tu as trouvé la bonne réponse, on va réécouter quand même pour la correction. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu repars avec ta place pour la descente de la Laisse, bravo! Super! Merci! Bravo Marie, je te fais des gros bisous, bonne merci journée beaucoup. Du côté de Namur et merci d'être à notre écoute. Est-ce que j'ai une petite minute, Étienne, oui, je pense, pour te demander quelle est ta pire honte à toi, Marie? La chose qui t'est déjà arrivée et que, dans laquelle tu t'en remets jamais? C'est une très bonne question. Je sais. Là, j'ai pas d'idée pour le moment. Alors, mais justement, moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé une fois très très rapidement. Eh bien, j'étais faire mes courses. Ouais. Et quand ce week-end, donc ce samedi, ça m'est arrivé. J'ai fait mes courses, mon caddie était rempli parce qu'il fallait que je fasse les courses pour le début du mois vu qu'on a été payé et tout, c'est génial. Et puis, eh bien, quand je suis passé à la caisse, non, j'avais pas ma carte. La plus grosse honte de ma vie. Je ne savais pas où me mettre. En plus, j'avais déjà travaillé dans ce magasin donc je connaissais les gens, donc c'était encore pire. Et t'es là avec ton caddie, tous les gens sont derrière, c'est une super longue file parce que c'est samedi après-midi et t'as pas ta carte. Franchement, mon front dégoulinait tellement j'étais gêné. Je ne savais pas où se mettre. C'était la plus grosse honte de ma vie. Vous avez vous aussi eh bien connu des choses comme celle-ci? Ben n'hésitez pas à nous le dire dès maintenant par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Dans quelques instants, c'est Bob Sinclair qui arrive côté Sun and Floor avec Someone Who Needs Me. On va parler sport avec Gilles, on va parler de plein de petites choses à faire pour rester en forme durant l'été. Et puis juste avant, c'est Neo et Closer qui arrive. 8h21, bon réveil, bon début de journée à l'écoute de Summer Fun. And she shines just like a star. And I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear. Like she's right there in my ear. Telling me that she wants to own me. To control. Just can't pull myself away under a spell.

réveil, on démarre la semaine ensemble sur Fun Radio. Merci d'être là, vous écoutez Summer Fun et on est ensemble jusqu'à 9h. Juste avant ça, 8h30 de bon réveil sur Fun Radio. On s'informe avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. 352 délits ont été perpétrés par des malfrats habillés en policiers en 2015. Pour 292 cas, la police fédérale a annoncé que ces délits concernaient des vols ou des extorsions. On dénombre également 3 agressions physiques. Les escrocs recherchent en général de l'argent, des bijoux ou encore des objets précieux. La députée NVA Valérie Van Peel a déposé une proposition de loi. Celle-ci concerne le secret professionnel auquel sont tenus les employés des CPAS, syndicats, assurances maladie et ministères. Le secret professionnel ne devrait plus valoir en cas de soupçon de terrorisme. À l'étranger, les résultats dévoilés par le géant japonais de l'électronique et électroménager Panasonic sont décevants. Panasonic a vu son bénéfice net du premier trimestre 2016-2017 chuter de plus de 63% en un an. Le chiffre d'affaires total de Panasonic a diminué de 5,9%. C'est ce lundi que le Conseil national électoral du Venezuela doit se réunir. Ils devront répondre à l'opposition qui souhaite organiser un référendum sur le départ du président Nicolas Maduro. Pendant ce temps, le pays pétrolier est en pleine implosion économique. La réponse aurait déjà dû être donnée mardi, mais la réunion a été reportée pour ne pas céder à la pression. En sport, c'est Tom Boonen qui a remporté la Prudential Ride London, ce rail classique ce dimanche à Londres. Le Belge a devancé au sprint les Australiens Mark Renshaw et Michael Matthews. Une deuxième victoire en une semaine pour le Belge qui rangera son vélo après son dernier Paris-Roubaix où il espère récolter son quatrième pavé. Une petite info insolite pour terminer avec cet homme de 77 ans qui a eu la peur de sa vie au Chili. Il a confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. La vidéo a été vue de nombreuses fois sur le net avec à la clé des images spectaculaires. Le retraité est tombé du deuxième étage sur le parking d'un supermarché pour se retrouver à la verticale. Une histoire qui, au final, se termine bien puisque le vieil homme s'en sort miraculeusement. Mais heureusement, d'ailleurs, d'un côté, mais on peut très très vite confondre les pédales quand tu regardes. Hein. Mais oui, c'est certain, même nous. Hein, c'est pas parce qu'il a 77 ans que nous, on ne peut pas le faire. Hein. Surtout qu'on avait le permis, c'est pour ça que c'est drôle de le dire. Aussi. Fun Radio. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est Cashmere qui arrive. On aura également eh bien, le bon son de Justin Timberlake. Juste avant Florence, que se passe-t-il niveau météo? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, des maxima encore agréables, compris entre 17 et 22 degrés. Merci Flo. Fun Radio, infotrafic. Et que se passe-t-il à 8h34 ce matin sur nos routes? Un accident s'est produit sur le ring intérieur de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée à la circulation à hauteur de Groenendael. Soyez prudents. Le son dance floor continue avec Justin Timberlake sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock. quelques instants, je continue à vous lire par SMS au 3044. On parle des pires hontes aujourd'hui. Il m'est arrivé un de ces trucs ce week-end. Je vous le réexplique dans quelques instants. Juste avant, côté sur Dance Floor, c'est Cashmere et Wildcard qui arrivent. Eh, c'est bon ça pour se réveiller. 8h38, bienvenue. Petite remise en forme obligatoire durant l'été. Grâce à Fun Sport. Et Gilles nous rejoint comme tous les lundis. Comment ça va Gilles? Ça va très bien. Alors aujourd'hui tu as préparé une petite compilation. Tu as préparé pour nous aujourd'hui une compilation, voilà j'en perds mes mots, pour faire quelques petits exercices faciles à la maison. Voilà des exercices très faciles comme tu le dis. Donc j'ai commencé par le squat. Ah ouais. Que généralement tout le monde connaît. Bon je connais que de nom en fait, j'avoue. Moi qui suis un gros sportif. Eh ben je vais t'expliquer. Donc tu te mets debout tout simplement. Ouais. Les jambes à hauteur des hanches, enfin écartées à hauteur des hanches, et tu plies les jambes comme si tu t'asseyais aux toilettes. Ah oui, et on fait ça plusieurs fois. Voilà, tu fais ça plusieurs fois et si tu veux, tu peux rester même en bas, ça va faire comme le gainage en fait, ça va travailler plus. Un autre exercice, les fentes. Encore moins. Donc c'est un exercice qui travaille et les abdos et les jambes. Mm-hmm. Donc de nouveau, position debout et simplement tu vas placer une jambe devant comme si tu marchais. Ouais. Sauf que tu vas plier la jambe à angle droit. On plie la jambe à angle droit. La jambe de derrière par contre est pliée aussi, mais ne touche surtout pas le sol sinon on ne travaille pas. Et là l'exercice suivant, c'est un truc un peu plus physique. C'est le dernier qui est surtout très physique. Le troisième, c'est les pompes. Oui. Bah, c'est ça, physique, tout le monde connaît, mais c'est physique quand même. C'est physique, ouais. Surtout pour les bras. Il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent pas à le faire correctement. Ah, oui. On testera. Donc les pompes, donc simplement hein, appuie sur les mains, appuie sur la pointe des pieds et on plie les bras, on descend, on ne touche évidemment jamais le sol, sinon on se repose et ça ne sert à rien. Souvent à l'école, hein, quand on se souvient qu'on était jeune et qu'on était en cours de sport, les filles elles avaient le droit de faire les pompes les genoux à terre. Oui, c'est ouais. Quand même la triche ça. Ça facilite, c'est vrai que pour les filles c'est souvent conseillé. D'ailleurs je vois pas du tout l'exercice physique là-dedans hein, parce que bah, y en a pas. Quand je le fais, je trouve ça vraiment tellement simple que j'exerce aucune force sur mes bras. C'est pour dire de faire le mouvement haut et bas, pour dire, ouais, voilà, pour dire de faire genre. Et dernier exercice. Je propose un dernier exercice qui en fait récapitule les trois. Enfin, oui. Je reprends les trois. Donc ça s'appelle le burpees. Mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile. Et donc on démarre en fait en squat. On va sauter en l'air. Ah. En tendant les bras vers le haut. On revient en squat et de là on saute pour se mettre en position pompage. Oui. En un saut. Hein, on enchaîne. Ouais, on enchaîne. On fait une pompe. On remonte, on ressaut en squat et on recommence plusieurs fois l'exercice. Ça peut être bien de faire ça 5-10 fois sur le bon stone and floor de Fun Radio. 10 fois, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment ça travaille complet. C'est cardio, donc, c'est physique, c'est tout. Tu es sûr que si on fait ça à la suite, on aura le corps de Beyoncé juste après? Je suis certain si vous le faites tout le mois d'août. Eh bah ben justement, on va tester ça toute l'équipe. Allez, je vous mets au défi. Après l'émission, on teste et on filme tout ça et on vous balance sur la page Facebook de l'émission. Ça peut être plutôt sympa de devenir Beyoncé du côté physique. Merci beaucoup, Gilles. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Côté stone and floor dans quelques secondes, c'est Alan Walker, Dero ou Cashmere avec Wildcard qui arrive. Bon réveil, bon début de journée, 8h41 sur Fun. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a ride. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. I'm sure you've had a lot. Merci d'être sur Fun Radio. La journée et la semaine démarrent ensemble. 8h44, Deoro, Elvis Crespo, Bailar, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant encore à Lyon, on fait un tour du côté de l'agenda. Que se passe-t-il à Bruxelles et en Wallonie en ce lundi 1er août? On commence avec un festival de feux d'artifice. Oui, et on vous propose de venir assister au festival de feux d'artifice. Il s'agit en fait d'une compétition entre 7 pyrotechniciens belges qui vont chacun lutter pour la victoire. Pas mal. Alors ça garantit d'office un excellent feu d'artifice à voir et à admirer. Et ça se passe où? Ça se passe à Ostende. À Ostende, le feu sera tiré depuis la grande plage entre Kursaal et les galeries vénitiennes. C'est Albert 1er, promenade, 8400 Ostende. Et c'est évidemment le soir, j'imagine? Oui, vers 22h30. Plus d'infos sur internet? Oui, sur bkvurwerk.be. Donc ça s'écrit bkvurwerk.be. On va vous publier tout ça sur Facebook, ce sera peut-être plus simple. Florence, elle est tout le temps en fou rire. Dès qu'on dit un truc, elle rigole, Florence, notre journaliste. On parle maintenant d'une activité pour petits. C'est même un genre d'endroit où on peut s'amuser entre amis pour anniversaire. Même, j'ai vu sur internet, pour des séances d'entreprise. Exactement, ça s'appelle Flying Kids et ils accueillent les enfants et les familles depuis plus de 14 ans. Alors c'est un espace de 1400 m² qui s'est aménagé pour accueillir les jeunes de 1 à 12 ans. Des toboggans, des ponts de singes, des labyrinthes, piscine à balles et structures gonflables. Génial. Tout ça tente pour permettre aux plus jeunes de profiter. Pour les parents, il y a évidemment du wifi, des magazines et des petites restaurations pour les divertir. Toi aussi, tu faisais ça quand t'étais petite, toujours ce genre de parc aventure, sans pas plus. J'adorais. Moi, j'adorais. Je me souviens que tous les anniversaires qu'on était petits, entre 9 et 14 ans, on le faisait dans ce genre de parc. Ah ouais, et c'était génial. Totalement. Je me rappelle, on volait tout le temps des bonbons parce qu'il y a des distributeurs de bonbons sur le côté. On volait toujours tous, c'était très drôle. Merci beaucoup Coralie, on publie tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Oui, je voulais juste préciser, pour Flying Kit, c'est 9€ par personne, c'est ouvert de 10h à 18h le samedi et le dimanche, et en semaine de 13h30 à 18h. Merci beaucoup Coralie, on retrouve tout ça dès maintenant sur Facebook. On continue à parler dans quelques secondes, eh bien, des pires hontes. On a reçu plein de SMS, on va lire tout ça dans quelques instants. Et puis on appelle l'une d'entre vous à 9h15 pour repartir avec vos places pour Walibi. Oui. Vous envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322. Bonne chance. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio.

Fun Radio. Fun Radio. Désolé, ce soir je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge. Désolé les enfants si ce soir je ne suis pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait de ronger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine. Vous voulez que ça bouge, donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. Ensemble sur Fun Radio, soyez les bienvenus, 8h57, dans quelques secondes, c'est le duo de... pas l'Eurovision, non. L'Euro 2016, merci de m'aider les gars. David Guetta, Zara Larsson, This One's For You, c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun. Le temps pour nous de rappeler le sujet du jour, on parle des ondes parce que samedi j'ai eu une des plus grosses ondes de ma vie. J'étais en train de faire les courses et puis avec le caddie bien rempli, vous voyez c'est le début du mois, donc voilà c'est sympa, on a déjà payé. Et puis là tout d'un coup je passe à la caisse, il y a une énorme file parce qu'il était 16h et là crac boum, j'avais pas ma carte. J'étais méga gêné. Coralie, des trucs comme ça arrive une fois dans la vie, mais vraiment une fois. Mais là voilà, quand j'ai eu ça je me suis dit c'est pas possible. Et justement on a eu plein de réactions parce que des gens ont déjà eu aussi des grosses hontes. Oui, on nous dit je me curais le nez dans mon salon et je pensais être tout seul jusqu'à ce que mon fils de 16 ans après deux minutes me demande si j'avais besoin d'aide. Quelle honte, en c'est plus horrible. Par le fils. C'est horrible. Pareil dans les voitures hein, quand t'es au feu rouge. Quand t'es au feu rouge, t'as plein de gens autour de toi puis tu regardes sur le côté, madame elle est en train de se revitailler tout le truc. C'est tout mignon. Génial. Oui, sinon on nous dit j'étais dans une cabine d'essayage et un mec a ouvert le rideau quand j'étais en sous-vêtements. Oh, quelle horreur. Ça c'est une horreur. J'ai trop peur. En plus imagine, parfois tu peux vraiment être presque sans rien et donc la personne ouvre et t'es là et malaise. Ouais, sinon on dit aussi quand j'ai fait ma première fois avec mon copain, je n'ai pas pu me retenir de lâcher un paix de ouf entre guillemets tellement j'étais nerveuse. Heureusement maintenant on en rigole quand on y repense. On en rigole bien ce matin aussi. Finalement je me sens rassuré, je me dis finalement j'étais pas le seul con à avoir des hontes un peu ce week-end. Quelqu'un d'autre. Oui, sur Facebook il y a Cédric qui nous écrit: j'étais en train de faire les magasins et pendant 5 minutes j'essayais des vestes en cuir. C'était des vestes pour femmes et je ne m'en suis rendu compte que quand la vendeuse est venue me prévenir, assez gênée. Mais parfois ça va quoi, c'est des vêtements qui sont mixtes, ça peut encore aller. Mais quand tu passes à la caisse et là tu dis s'il vous plaît je peux pointer, et là que la personne te dit monsieur c'est pour les femmes et que t'as plein de gens autour de toi, là c'est pire que dans, que dans le rayon quand même. Vous avez envie de réagir avec nous, vous pouvez, ça continuer évidemment via les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'émission parce que l'émission est bientôt terminée. Mais pas de panique, on va quand même appeler l'un ou l'une d'entre vous dans quelques instants. Comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Pulsar par SMS 6322, c'est 1€ par message. Tout ça pour... Parce qu'on vous offre vos places pour aller au parc Walibi qui est un parc génial en Belgique. Exactement, c'est un des plus grands parcs d'attractions de Belgique. Vous pouvez profiter de toutes les attractions pendant une journée. On vous offre 4 entrées, donc c'est le moment de vous inscrire. Pulsar par SMS au 6322. On vous offre 2x2 places par jour pour tenter votre chance. On vous offre tout ça dans quelques instants. Merci d'être là, merci d'être sur Fun. Fun Radio. 9h, la journée démarre ensemble. On fait un tour de l'actu en ce lundi 1er août 2016 avec Françoise Vanlo. Salut Françoise. Florence, voilà, je te regarde. Florence Vanlo est avec nous. Comment ça va Florence? Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Le Belge Philippe Graffard a été inculpé à Singapour pour avoir tué son fils en octobre dernier. L'expatrié a plaidé coupable pour homicide après avoir reconnu les faits. Il est accusé d'avoir étouffé son fils à l'aide d'un coussin. Le jugement sera rendu le 22 août prochain. À l'étranger, Didi Shuking, la principale application chinoise de réservation de taxis et de véhicules avec chauffeur, va fusionner avec son rival américain Uber. Cette fusion permettrait de mettre fin à leur guerre sans merci sur ce marché colossal en plein essor. Les fromageries belles qui possèdent déjà la vache qui rit et Boursin négocient pour racheter le groupe Mum qui possède quant à lui Materne et Montblanc. Ce rachat constituerait un acteur mondial majeur du snacking. Le groupe Bell en profite pour annoncer son résultat net qui a augmenté de 19,1% pour le premier semestre. En sport, les Belges Greg Van Avermaet et Thomas De Gendt sont en forme et l'ont encore montré hier lors du critérium d'après-tour de Ninove. C'est le premier qui a remporté l'épreuve devant le Colombien Pantano et Thomas De Gendt. Au contre-la-montre qui avait lieu plus tôt dans la matinée, on a eu droit à un podium 100% belge avec la victoire de Jasper Stuyven qui a devancé Thomas De Gendt et Seb Van Mark. Pour terminer, un peu plus léger avec cet emploi qui est pour le moins particulier. Il est proposé par le Musée National d'Histoire Américaine. Celui-ci s'adresse aux amateurs de bière en particulier puisqu'il s'agit de la boire tout en traversant le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'offre d'emploi est très sérieuse et vaut malgré tout la peine puisque le salaire est intéressant, plus de 64 000 dollars par an. Donc le principe, on voyage, on boit de la bière et on est payé autant. Oui, c'est ça. Moi franchement, je postulerais bien. Ben, je te vois bien là. Dedans, effectivement. Ouais. On rappelle évidemment qu'on boit avec modération. Fun. Juste avant de partir sur les routes pour boire de la bière, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois côté météo? Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, des maxima encore agréables, compris entre 17 et 22 degrés. Merci Florence. Fun Radio, Infotrafic. Et côté de nos routes en Belgique, que se passe-t-il à 9h01 ce matin? Bonne nouvelle, la chaussée vient d'être dégagée à l'instant sur le ring intérieur de Bruxelles où un accident s'était produit plus tôt dans la matinée. On constate encore quelques ralentissements à hauteur de Groenendaal. Prudence sur la route donc, merci Florence. Le son Dance Floor continue avec David Guetta sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Sur la plage, vous écoutez Fun Radio. Le son Dance Floor. So let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown our whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. merci d'être sur Fun Radio. La bonne humeur nous envahit. On espère évidemment que la journée se passe bien et démarre bien pour vous. Yannick, merci, c'est ce que je vous cale dans un instant côté son dance floor. Le temps pour nous appeler l'un en l'une d'entre vous qui avait été sélectionné pour repartir avec vos 4 places pour le parc Walibi. Il s'appelle Lucas, il a 17 ans, il habite Mons. Salut Lucas. Ah non, on l'appelle en direct. Autant pour moi. J'ai voulu aller un peu trop vite. Lucas, 17 ans, Mons, qui repart avec ses 4 entrées pour le parc Walibi, un des parcs les plus branchés de Belgique, parce qu'on peut y faire tout et n'importe quoi. Et franchement, on a une attraction à recommander, c'est la Pulsar, la toute nouvelle attraction. La toute nouvelle, il faut la tester. Qui déchire, en plus on est mouillé parce qu'à la fin, hop, on est propulsé dans l'eau. Lucas est avec nous, salut Lucas. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien. Alors ce matin, tu nous as envoyé un petit code par SMS, c'était Pulsar. Eh bien, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi Lucas, pour bien démarrer la semaine. Tu repars avec tes 4 entrées pour Walibi, bravo. Ouais. Ah, merci. J'espère que tu pourras t'éclater avec tes amis évidemment. Est-ce que Lucas, tu as quelques secondes pour me dire quelle est ta plus grosse honte, la chose qui te gêne le plus au monde, comme moi j'ai eu des problèmes ce week-end? J'ai jamais vraiment eu de plus honte, mais une fois en deuxième, je sortais de ma classe de maths. Ouais. Et j'avais complètement oublié de fermer mon sac, du coup il était ouvert. Ouais. Et tout est tombé. Ouais, je descendais les escaliers, sauf que les escaliers sont très grands, du coup j'ai loupé une marche, je suis tombé et mon sac a explosé partout. C'est pas mal. C'est aussi un bon truc, je pense que si j'y suis avec ça, ça se passe à l'école, c'est une horreur. En tout cas, Lucas, je te fais des bisous, gros. Bonne journée du côté de Mons, dans le Hainaut. Vous aussi, vous avez envie de remporter vos places Coralie, c'est très simple parce qu'on a à offrir cet après-midi. Oui, dans ce que du fun, entre 17h et 20h, vous pourrez aussi tenter de repartir avec vos 4 entrées pour Walibi. Pour ça, vous pouvez dès maintenant vous inscrire en envoyant Pulsar par SMS au 6322. C'est 1€ par message, ils tireront au sort tout à l'heure. Et puis demain, dès 6h, évidemment, on reviendra pour une nouvelle émission de Summer Fun. On parlera des films et des séries. On va confronter nos idées. Quels sont nos films préférés? Quelles sont les séries à ne pas manquer? Franchement, moi je suis plus série, Coralie est plus film. On va tenter bien de se battre autour de ça. Et puis ça peut se passer sur les réseaux sociaux. Oui, venez confronter vos idées avec nous sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes plus film, plus série? Venez nous le dire. On va poster un petit statut pour en parler. Vous pourrez d'ores et déjà venir nous dire ce que vous préférez. On en parlera demain dans l'émission. Et on reste connecté évidemment via notre page Facebook. Merci beaucoup Coralie, à demain évidemment dès 6h. À demain. D'ici là c'est Audrey qui débarque avec le meilleur du Sundance Floor jusqu'à 13h. Dans quelques secondes c'est Rise Traffic, elle nous cale. Juste avant c'est Unique et merci 9h08. Bonne journée sur Fun. Mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me wanty, wanty, wanty. Only he can make me ayavray, ayavray, ayavray. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les finis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Ah, ah, ah. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Too many them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me wanty, wanty, wanty. Only he can make me ayavray, ayavray, ayavray. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui se cache sous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh la la, merci, merci, merci. Money, money, money, money. Sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Mercy, man, I don't know why you move me, move me. Shy guy, yeah, me wanty, wanty, wanty. Only he can make me ayavray, ayavray, ayavray. Yeah, me wanty. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. A freak like me just needs infinity. In me, and you will find infinity. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me. Le son. Can't miss it, I don't cheat. Can't get it, I just sneak on. I don't matter me, can't